Nicolas, meilleur boomer d'Afrique. Aïe, Junior Bouibou, Ornel Lukoki, Fiston Massia, Freddy Asungamie, Robert Lando, Biki La Rose, Hervé Lomeka, Régine Pembele. C'est une bénédiction pour un homme d'avoir un ennemi intelligent. Nayo kaki entourage nayo eza kopikisa yo e kolinga nga héritier mvwa mamwa na ye mvwa maye amor yanga nayo babengi mes alliances kolobi je n'arriverai jamais à te rendre heureuse héritier mvwa ma Lili Sala ya Salomo Florence Sula Nelvin Mayailai Nayo kaki entourage nayo eza kopikisa yo e kolinga nga héritier mvwa mamwa na ye mvwa maye Inyo yanga na yo e babengi mes alliances Balobi je n'arriverai jamais à te rendre heureuse Gabi Original Christian Ebonda Jolimbie Alain Miesi Chanari Don Otiki bango héritier mvwa mae Bakosa yo alors ke oyebi vérité Lokola Eva bakosa kaye na serpent Blaise Boutelesi Lokuta c'est vrai Ekozala Don Ebonda Très secret Faye à basket, Roberna Espérance, Laurette Mpukuta, Mimine Jolie. Tango Boutoué inaka héritier, un petit mot d'amour na tinde la kayo swaka. Mon colonna soit qui répond si au tinde la kinga imvoa ma. Yesenga ebonga na kima wa mama. Amigo Jenny, Tambwanda, Serge Paloko, Vincent Wikele. Aïdine 17 planètes. Bayawa moninga na zola la teo. Bichou li picha. Na sumela di susu. Kolinga yo joka sanji. Bati mambulo. Héritier mbwama. Bayawa héritier. Na zola la teo. Kasanji Kaba Kabasu Samili Seke Gonset Sitae Kabo Mouluba Na koko kate komo na mvwa mana mosusu Renonce a ton amour ire Trésor Mwanza Ya Nicolas Firmin Firangoma Eric Moss. Je te promets, si la lune serait à vendre un jour, na kosombe la yo, mon kolo na kosua. L'argent n'y fait pas le bonheur. Héritier, mvwa ma. Bruno Lubika. Bayawa, Chibo, Apula, na zola la teo. Bona yo. Na zombe la lissousou. Kolo kapi posenga. Landry Bedel Ikobo. Héritier mvwa ma, aïe. J'étais déjà pauvre, kasi malheureux jamais. Na héritier mvwa ma, ma wandengo kosala, et comme si la malheureux. Na bandi kole la ngai moko na tima, pasi na ngai za choua na ngai ti. Opérant espérance. Tike la ngata na ebisa yo kasanji, koti molele kiko kima na pasi. L'apparence est souvent trompée, c'est la vérité. Quand t'as lancé un beauté, apprivoisez-moi, Mimine Jolie. Apprivoisez-moi, Vama. Apprivoisez-moi, Joka Sanji. Apprivoisez-moi. Tikela nata mona yebisa yo Vama. Koti mona le kiko kimana basi. L'apparence est souvent trompée. C'est la vérité, côté le bien goûté. Apprivoisez-moi, héritier. La vérité, moi. Apprivoisez-moi, maman. Apprivoisez-moi, Joka Sanji. Apprivoisez-moi. GG Fula Mambo. Bolingina Koufa Bona, Bolingona Yui. Jack na Titanic a Koufa Bona, l'amour. Les héros Air King et Achille sont morts par amour. Jésus de Nazareth a koufa pona bolingo. Batoto linga kamingi, bamoni bamoma kamingi. mitema na miso. Ya wili bombito. Apivoise moi héritier, envoie ma e. Trésor mwanza. Apivoise moi ma vina e. Apivoise moi papi ma sita e. Apivoise moi héritier. Pire petit avion a eu. Apivoise moi. Au Cambro. Apivoise moi Joka Sanji. Claudine Garcia, Christian Lulendo. Motomoko ya matelinga na mokongo na ebiye pa ya utite. Alobi komo na eris makai azo loba ndeti yo. FC Sismalto. Azo sala ndeti yo eh. Azo bina ndeti elastike. Tevwa ma yaka eh, yaka ko sala ngai. Ajbemba yaka yaka eh, yaka ko sala ngai. Chéri bo kisa bulo, travaye nan zato na ngaye. Le desha magemba, yaka ko sala ngaye. Ale kembela, papa na nine. Ben mundeke. Mokuta na bolingwe sa itu le paye bamoureux. Pour la conservation et l'amour, na wama promesa mo fema. Afek soe se refwadir, yaka do chauffe na mo massage. Na kome mo na pato, na kosele lo boutique. Clave mayena meline seko, boyo kanima. DJ Ken na Luanda. Soko chelinga mo tambo, na kata bruzo boli mono. Na komole avungule na souci, na mona si je save. Soki na yebaki, igore lubasa. Titiye ma bomba moto yo batwa. Chocho play. Titiye ma bomba moto yo batwa. Trésor Congolo. Skati ya boli monyo, sona ma bokwa bebe. Fidelite te nini na besate na boli ngoyango. Kalusha kutu, te jimbo ke moni ngaranga. Boli ngo mitipion le bonheur. Soustraction de jaloux, addiction non le bonheur. Et irene mbemba ya nikula. Gabi le pétrolier. Yadima kajika, chere bada. Vise galasi, baya visa bunda. Mobila mopanzi sangwe.